Certains d'entre vous ont lu le L'Hôtel des Morts, The Altar of the Dead. Vous avez eu l'occasion de jeter un œil? Juste pour savoir si je veux. Il faut que je rappelle l'intrigue. J'avais dit la dernière fois, je vais commencer à proprement parler ce séminaire, après ma séance d'introduction, sur à quoi reconnaît-on une psychose, sur la question de la mélancolie. Jean-Marc Berthomé, depuis un certain nombre d'années, fait un séminaire, qui est lié d'ailleurs à une présentation de malade, sur la mélancolie, et cette année, justement, il s'est intéressé aux virtualités de la mélancolie comme justement un mot extrêmement précieux pour toujours remettre en jeu dans toute l'épaisseur de la culture qui nous est accessible, la culture occidentale, puisque c'est Aristote dans le problème 30 qui met en avant la question de la mélancolie et que c'est le texte auquel on se réfère systématiquement après, que ce soit de la Renaissance à aujourd'hui pour indiquer la question du lien entre la singularité humaine, la génialité et la folie. Donc de conserver ce terme de mélancolie comme un moyen de remettre en cause de manière ordonnée, de manière extrêmement concrète, tout ce qu'on appelle la psychose. C'est-à-dire au fond, grâce à la mélancolie, on dispose d'un appui dans extrêmement profond, extrêmement ancien, pour penser autrement que comme des transformations le long d'un progrès scientifique, en quelque sorte, la question de la folie, de la génialité, de la création, de l'exceptionnalité humaine, etc. Et il s'en sert justement comme un principe qu'il développe à sa manière. La manière moi dont je vais rentrer ce soir dans la question de la mélancolie et de à quoi reconnaît-on une psychose, c'est parce que je crois que c'est la meilleure porte d'entrée dans Deuil et mélancolie, c'est de se poser une question qui est très bien formulée par Diane Leader dans un livre qui s'appelle The New Black, qui vient d'être traduit chez Payot, et qui est une question qui a la forme suivante. Pourquoi quand ils sont confrontés à une perte, certains êtres humains arrivent pour finir à vivre avec leur perte, tandis que d'autres vont se perdre avec leur objet et mourir avec leur mort. Et quand elle est formulée comme ça, la question n'est pas simplement du deuil normal ou du deuil pathologique, etc. Elle n'est pas simplement la distinction entre la dépression du deuil et puis la folie mélancolique, la dépression avec des traits psychotiques, etc., dans lequel on va essayer de réinjecter a posteriori toute une histoire de la clinique, de la psychiatrie, etc. C'est une question qui met beaucoup plus simplement en balance l'indistinguabilité totale de ce qui est de l'ordre du deuil normal et de ce qui est de l'ordre de la mélancolie. Et ça, j'insiste beaucoup sur ce point parce que toute la culture de la différenciation clinique cherche presque désespérément à essayer de scruter quelle perte va amener à la mort, au suicide, à la paralysie, à l'anéantissement de soi, etc. Et qu'est-ce qu'il y aurait dans cette perte et dans l'objet de la perte, ou qu'est-ce qu'il y aurait dans le sujet, même dans sa biologie fondamentale, qui ferait que chez certains, voilà. On survit à la perte d'un enfant, on survit à la perte de la femme avec qui on a passé sa vie, on continue à vivre, tandis que d'autres, ils perdent un manuscrit, ou ils perdent un objet dont extrêmement trivial, et ils s'effondrent dans une mélancolie dont ils ne se relèveront jamais. Bon, et pourquoi ? Voilà. Et ce qui est très important, c'est de mesurer, et c'est pour ça que je trouve que l'Hôtel des Morts, et c'est une nouvelle extraordinaire, combien ce parallélisme est stupéfiant. C'est-à-dire que à travers la figure du malentendu entre Stransom et de Mourning-Niece, hein, la nièce qui fait son deuil, vous avez comme ça une sorte de parallèle où à aucun moment on pourrait dire comportementalement qu'est-ce qui fait que l'un serait plus dépressif que l'autre. Voilà, c'est juste à la fin, hein, que vous allez saisir qu'il y en a un qui vit et l'autre qui meurt. Et qui meurt d'ailleurs d'une manière sur laquelle j'attirerai tout à l'heure votre attention. Alors, c'est évidemment un problème qui aujourd'hui pose un problème, je dirais, de distinction clinique, je dirais, un peu plat. Hein. C'est vrai que bon, on peut gémir avec tout le monde, n'est-ce pas, sur la dissolution générale des états dépressifs au long cours, n'est-ce pas, on n'en finit plus. On peut essayer de parler de la perte de l'estime de soi, de la fluctuation quantitative, de la durée, de l'intensité des deuils normaux et pathologiques. On peut effectivement dire qu'il y a un effet problématique dans la mesure où, bon, les grandes mélancolies, même délirantes, finalement, sont passibles, jusqu'à ce qu'on en recourt aux électrochocs, du même type d'antidépresseurs que ceux qu'on donne aux gens qui ont des grandes dépressions chroniques, n'est-ce pas ? C'est la vaccine pour tout le monde, sauf qu'effectivement, quand ça insiste, on donne des doses beaucoup plus importantes aux gens qui, effectivement, font des mélancolies. Mais il y a une sorte comme ça d'homogénéisation pharmacologique sur laquelle qu'on méprise, et dont je voudrais vous dire tout à l'heure pourquoi il ne faut pas mépriser. Parce que c'est extrêmement instructif et intéressant cliniquement qu'un médecin se réglant sur le comportement et sur le complexus psychomoteur particulier de la mélancolie ou des états dépressifs dise c'est le même type de médicament auquel on doit avoir recours. Alors, il y a tout un courant de pensée contemporain qui n'est pas du tout propre à la France, hein, qui existe aussi très fortement aux États-Unis, de rébellion contre la dépression au sens large, qui insiste beaucoup sur l'idée que le problème doit se trouver au niveau de l'objet. Voilà. C'est que, quand même, c'est un problème de dire qu'il n'y a aucune différence dans un état dépressif entre perdre son travail et perdre son enfant, et que c'est le même traitement pour tout le monde, la même que thérapie cognitive ou comportementale. Il y a plein de gens qui disent qu'il y a quelque chose de totalement absurde là-dedans. Il y a quelque chose de totalement absurde, disent-ils, notamment Jérôme Wakefield et Alan Horvitz, qui ont publié donc ce livre qui a été traduit là, récemment par une de mes collègues, la Françoise Parot, sur tristesse et dépression, qui disent donc que s'il y a l'objet, c'est parce que cet objet il a une certaine valeur pour un sujet qu'il faudrait quand même ne pas oublier d'écouter les gens et de voir comment ils situent l'objet qu'ils ont perdu plutôt que de se focaliser sur l'état de leur corps. On sait très bien pourquoi la psychiatrie universitaire américaine est assez réticente à faire ça. C'est parce que la plupart des états qui sont dans le DSM aujourd'hui, et même dans le DSM-5, étant censés être des états dont on donne que la dimension descriptive, si vous introduisez le rapport de cet état à son objet, immédiatement, vous subordonnez le succès de la description de l'état du malade au succès de la description de son rapport à l'objet dans un contexte déterminé et en fonction de la valeur ou de l'importance historique qu'a eu cet objet, etc. Et la description s'effondre. Parce que si on introduit le rapport à l'objet, c'est introduire dans une conception de la description de ce que c'est que l'état même dans lequel sont les gens, c'est introduire le loup dans la bergerie. Où est-ce que vous allez vous arrêter ? Finalement, il va y avoir autant de dépressions ou d'états dépressifs qu'il y a de circonstances dans lesquelles on peut perdre un objet pour lequel on a un investissement de plus en plus grand, etc. Et au lieu d'avoir une description de ce que c'est qu'un ralentissement psychomoteur ou quelque chose de ce genre, on va tout simplement n'avoir rien du tout. On va avoir quelque chose de beaucoup plus confus en croyant avoir quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus contextuel. Tout ce qu'on gagne au niveau de la contextualisation et de l'apparence, de l'apparente efficacité de la description du cas du patient, on le perd au niveau de la qualité de la description d'un état général sur lequel on pourrait qu'on pourrait reconnaître, sur lequel on pourrait avec l'épidémiologie, etc. Et donc, c'est pas non plus idiot, hein, de résister à ça. C'est ce qui fait que, bien souvent, les cliniciens, c'est pas du tout parce qu'ils sont payés par les laboratoires pharmaceutiques ou qui sont formés par les neuroscientifiques. Ils insistent beaucoup sur des dimensions assez impersonnelles de ces syndromes, comme le ralentissement psychomoteur. Ça, le ralentissement psychomoteur, le figement du faciès, ça, c'est quelque chose qui est relativement imperméable à la variabilité de l'objet, du contexte, etc. Ce qui se pose pour la dépression se pose de la même manière pour les syndromes anxieux. Parce que l'angoisse aussi, il n'y a pas que la dépression qui a un objet, l'angoisse a un objet. Et l'objet de l'angoisse, si vous commencez à l'introduire, c'est comme le loup dans la bergerie, il va vous manger toute la qualité de la description que vous avez réussi à constituer. Vous allez gagner énormément du côté du caractère concret de la description, mais vous allez perdre ce que le DSM cherche à capter, c'est-à-dire la description de l'état. Ça en vient à un tel point que dans la dernière mouture du DSM-5, ils ont décidé de supprimer dans les états traumatiques la mention du trauma. Parce que vous êtes traumatisé parce qu'il vous est arrivé quelque chose, donc vous êtes obligé de citer la cause traumatique dans le trauma. C'est encore trop. Si vous citez la cause traumatique dans le trauma, vous allez être amené irrésistiblement à contextualiser, puis à chercher pourquoi c'est tel sujet qui a été traumatisé par tel et tel truc, etc. Donc on va jusqu'au point de donner une définition des états traumatiques dans lequel il n'y a que des caractérisations du type flashback, sudation nocturne, etc. C'est-à-dire des états descriptifs du corps où le plus possible méthodologiquement on élimine l'objet. Vous voyez ? Alors évidemment, c'est complètement lunaire parce que vous appelez encore ça une névrose traumatique ou un stress post-traumatique, sauf que la mention du trauma n'existe pas. Mais c'est précisément pour réussir à reconnaître que les gens qui n'ont pas été traumatisés, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, sont jamais allés au Vietnam, n'ont jamais fait la guerre, mais sont toujours pensionnés et indiens parce que ils sont dans un état de stress post-traumatique, n'est-ce pas ? Mais ils n'ont jamais été au combat. C'est un mensonge. On sait qu'ils n'ont jamais été au combat, qu'ils ont menti depuis 30 ans. Mais ils sont dans un état de stress post-traumatique. C'est pour que ces gens-là puissent être soignés. Parce qu'on peut se trouver dans un état dans lequel l'objet manque. Et ils sont invalidés, hein, ces gens-là. Ou des gens qui, par exemple, auraient raconté, auraient subi des dommages qui, à vous, ne vous paraissent absolument pas traumatiques, auraient eu l'impression, par exemple, de se faire violer, alors que le tribunal a innocenté totalement, il n'y a rien eu, c'est qu'une impression. Mais la personne, de la simple impression subjective qu'elle s'est faite violer par quelqu'un, se retrouve à avoir toute la liste des symptômes du stress post-traumatique, du PTSD. Cette personne-là, grâce à ce type d'action, on peut la soigner, on peut la pensionner, on peut lui donner des médicaments, on peut l'accueillir à l'hôpital, etc. Vous voyez ? En éliminant l'objet, en gardant que ça. Et au fond, vous voyez, on a toujours tendance à dire ces salauds d'Américains qui veulent vendre des médicaments. Mais si vous réfléchissez un peu, à ce que c'est que la défense des patients, les organisations de patients, la protection des individus, le rapport dans une culture qui est tout à fait liée, il y a un usage possible, tout à fait positif, de quelque chose où on ne vous demande pas de rendre compte de la valeur subjective de l'objet de votre état d'angoisse, de dépression, de trauma. Il y a une possibilité là. Hein. Si vous enleviez l'anti-américanisme primaire, qui préside de ces gens qui ne savent ni l'anglais, qui n'ont jamais vécu aux États-Unis, qui n'ont jamais parlé à un médecin américain, et qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le problème qui se pose quelquefois quand vous êtes devant un accidenté de la route, quelqu'un qui a reçu... Peut-être qu'on verrait mieux que ces choses-là, c'est des vrais débats aux États-Unis. C'est pas du tout d'un côté les méchants du lobby pharmaceutique, et puis de l'autre les gentils qui veulent la défense de la subjectivité. Parfois on ferait mieux dans certaines choses, et comme le trauma par exemple, de pas trop aller chatouiller le sujet, aller lui demander s'il a vraiment rencontré un mauvais objet. Peut-être juste se contenter de lui faire une place à l'hôpital et lui donner une indemnité vu l'état dans lequel il est, sans aller trop gratter. Et quelquefois on entend des propos comme ça. Alors, le problème que nous avons, c'est qu'évidemment, ce que je suis en train de vous dire, c'est des problèmes pour nous. Enfin, du moins pour ceux qui peuvent se les poser. Au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, parce que c'est là où je vais me situer, il est tout à fait naturel, il est phénoménologique de considérer que les états dépressifs, les états mélancoliques ont un objet. Et que Ce sur quoi je voudrais commencer, je ne dis pas que ce que je vais faire ce soir est très clair, mais ce sur quoi je voudrais commencer ce soir, c'est de souligner que qu'est-ce qui se passe quand, on intègre une vraie prise en compte de cette problématique-là. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement l'État, il y a l'objet de l'État, c'est-à-dire que l'État dépressif ou l'État mélancolique est un État intentionnel. C'est un État qui est là, non pas à cause d'un objet, mais en raison de ce que c'est que cet objet, et que de la façon dont on décrit cet objet joue un rôle absolument décisif dans la caractérisation de l'état dans lequel on se trouve. C'est la façon dont on le décrit, il faut qu'il soit décrit avec des jugements évaluatifs, l'objet était mauvais, l'objet était dangereux, etc. Et il faut donner des raisons contextuelles du fait que cet objet était mauvais ou dangereux pour expliquer pourquoi la personne se trouve dans un état de dépression mélancolique, etc. Et aussi pourquoi le sujet, lui, selon son histoire, selon ce qu'il était, peut trouver dans le contexte où il est cet objet avec ses propriétés-là. Et dans ce cas-là, même si vous introduisez cette distinction-là, même si vous l'introduisez, eh bien vous n'avez toujours pas de différence qui vous permette de répondre à la question « Pourquoi certains, quand ils vont perdre un objet d'amour, vont s'en remettre, tandis que d'autres vont en mourir ?» C'est-à-dire vont mourir avec leur objet. C'est-à-dire vont rejoindre leur objet dans l'anéantissement, la mort, etc. Leur vie va se transformer en une mort complètement résonante avec celle de l'objet. Alors, pour répondre à ça, vous sentez bien qu'on est obligé, avant même d'avoir ouvert Freud, hein, pour simplement des raisons, je dirais, d'analyse conceptuelle, de ce à quoi on est commis quand on veut rendre compte de cette différence, même en intégrant la dimension qu'il y a un objet, qu'il y a un sujet, qu'il y a un contexte, etc. On est obligé de quoi ? On est obligé de dire qu'il faut trouver un moyen de faire mourir le moi avec l'objet. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas que la signification mortelle de l'objet, la signification, je devrais plutôt dire, tuante de l'objet, soit simplement une signification que vous pouvez voir comme ça, hein, comme qu'on peut envisager d'une manière, comme si on était libre de l'envisager ou pas. Non. Il faut que cette signification létale, cette signification tuante de l'objet, s'impose à vous. C'est que vous n'ayez absolument pas le choix. C'est que le fait d'avoir perdu un manuscrit, par exemple, des exemples romantiques de déclenchement de mélancolie, etc., c'est pas parce que vous avez choisi de donner tel et tel sens ou telle et telle valeur, c'est parce que ce sens s'impose à vous. Qu'il n'y a aucune espèce de... C'est pas parce que tout d'un coup, vous avez vu l'objet sous un autre angle. Non, non, c'est que vous n'avez pas eu le choix de le voir comme ça. Et donc, la signification s'impose. La signification tuante s'impose. Donc, il faut une conception de la signification où vous puissiez, cette signification, non pas l'interpréter librement, mais vous la prendre en pleine figure comme quelque chose d'extrêmement réel. C'est pas gratuit, une théorie qui vous impose la signification. Avant même qu'on ait ouvert Lacan, par exemple, et qu'évidemment puisse se jeter sur le signifiant pour apaiser cette fin de ne pas avoir d'explication théorique au phénomène, vous voyez qu'il y a quand même une place là, il faut que la signification s'impose. La troisième chose, c'est qu'il ne suffit pas non plus que votre sujet, qui va mourir, soit simplement là dans un contexte particulier. Il faut qu'il soit assujetti à ce contexte, littéralement, dans son être même, dans sa substance même. Il faut qu'il y ait un assujettissement mélancolique à cet ordre qui détermine la signification, qui impose la signification mortelle de l'objet à celui qui va en mourir, d'une manière bien particulière. Et c'est peut-être pas n'importe quelle position subjective qui vous rend susceptible de mourir d'une perte. Et enfin, quatrième point, c'est que quand on parle d'un assujettissement de cet ordre, ça reste un assujettissement subjectif. Autrement dit, la contre-épreuve de la description que vous allez faire de ce type d'assujettissement du mélancolique à l'ordre mortel qui va s'imposer à lui et qui va imposer une signification anéantissante aux objets de son monde, Il y a un jeu, il y a un libre jeu. C'est-à-dire qu'il y a la capacité à l'intérieur de cet espace, de cet assujettissement particulier du mélancolique à l'ordre de signification qui le menace de mort, il y a quelque chose qu'il peut y faire. Il y a un certain type de rapport à l'objet et à la perte qui fait son ordinaire, qui détermine son style et qui a éventuellement des possibilités positives, des potentialités positives particulières. Sinon, vous êtes dans un mécanisme complètement absurde. Et donc, on ne peut jamais avoir simplement une théorie purement négative de la mélancolie qui se contente un peu par une explication ad hoc de dire, ben voilà, le mélancolique, c'est celui qui est assujetti au signifiant d'une telle et telle manière, et d'ailleurs, pof, dès qu'il y a une perte, il se perd lui-même. Non, non, ça, c'est pas du tout ça ce qu'on cherche. On cherche un style d'être mélancolique à l'intérieur duquel ceci reste une possibilité qui peut se réaliser ou non en fonction d'un certain nombre de contextes, donc qui détermine tout un rapport à toutes sortes d'objets. C'est-à-dire qu'il y a une manière mélancolique de perdre, qui est une manière létale, il y a une manière mélancolique d'aimer, une manière mélancolique de désirer sexuellement, une manière... C'est-à-dire que tous les rapports à l'objet doivent être ordonnés à ça. Hein. Sinon, c'est une explication complètement qui ne vaut rien du tout. Et puis, c'est le cinquième point, et probablement le plus difficile pour voir ce que c'est que la qualité d'une théorie de la mélancolie, d'une théorie qui serait effectivement capable de rendre compte de la différence qu'il y a entre les gens qui meurent avec leur objet et ceux qui survivent à leur perte. Le point, c'est la question de savoir, qui est une question dont je parlais du travail de Jean-Marc Berthomé à ce sujet, qui est la question de savoir dans quelle mesure la mélancolie est un invariant culturel. C'est-à-dire, ce que j'ai décrit là, ce que je vous ai dit, le rapport à l'objet, à la signification, à la perte, bon, c'est très abstrait, mais c'est une abstraction qu'il faut également tester sur des figures de la mélancolie à travers l'histoire de notre culture. Il faut essayer à chaque fois de retrouver les potentialités anthropologiques de ces abstractions que j'ai manipulées, n'est-ce pas, le manque, l'objet, et que Lacan a mis en circulation, je crois, avec beaucoup d'élégance. Mettez-vous ici, il y a plus c'est là, il n'y a plus de chaise. Ces potentialités anthropologiques sont extrêmement importantes, et elles sont si importantes qu'elles devraient pouvoir un jour rendre possible une histoire de la mélancolie, où on pourrait quand même parler de la mélancolie, c'est-à-dire fixer la référence du mot dont on parle, tout en fixant la référence du mot mélancolie d'une manière qui ne rende pas incompréhensible que Aristote puisse appeler dans le Promène 30 quelque chose de mélancolie, que Burton puisse appeler la mélancolie comme ça, que Segla et Cotard puissent parler de la mélancolie de cette manière-là, hein. Et le véritable test, si j'ose dire, de la consistance de ce dont on est en train de parler, de cette question énigmatique, hein, pourquoi certains meurent et d'autres vivent, et que comportementalement, vous n'avez pas l'impression que, comme ça, on peut attraper si facilement les différences, hein, c'est sur ça que ça se testerait. Hein, et ça, je crois que peu de conceptions de la mélancolie, peu de réponses à la question que je posais au départ, j'en connais pas, hein, de conceptions qui sont capables de répondre à cette dernière contrainte. Donc je vais un petit peu la développer en faisant quelque chose d'assez spécial, qui est de un peu pour vous dépayser culturellement et cliniquement. Mais pas cliniquement, parce qu'en fait, vous allez reconnaître un certain nombre de traits de la mélancolie dans ce que vous avez pu rencontrer, de ce qu'on appelle aujourd'hui la mélancolie, mais en le rapportant un peu systématiquement à des figures antiques de la mélancolie, des figures prises dans l'Antiquité, l'Antiquité gréco-latine, des choses de ce genre, pour essayer de faire valoir les invariants dont je pense qu'on peut les dégager de manière assez forte. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas de langage à proprement parler de la mélancolie. Je pense que l'idée de discours mélancolique est un contresens aberrant. Aberrant, hein, c'est vraiment, il n'y a pas de discours mélancolique. La mélancolie, c'est un mode du dire. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel sur lequel je vais insister. Et c'est ce qui rend justement comportementalement indiscernable la mélancolie de la dépression grave, etc. C'est ce qui fait que toute personne qui traverse un deuil extrêmement profond, il n'est jamais acquis d'avance qu'elle ne va pas tomber dans la mélancolie. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont l'air d'avoir des dépressions finalement comportementalement pas si graves, mais qui sont authentiquement mélancoliques, parce que justement c'est la position subjective dans le dire qui permet d'indexer ce que c'est que cette mélancolie. Alors vous connaissez tous la dimension de la plainte. Le problème de la plainte, c'est qu'elle est commune à la dépression ordinaire et à la mélancolie, hein, surtout les grandes plaintes. Il y a une dimension qui est absolument spécifique à la mélancolie. C'est... Il y a encore des chaises au fond ? D'accord. C'est le sarcasme. Donc, je vais travailler un peu sur cette notion. Alors, le sarcasme... je vous donnerai un exemple de quelqu'un tout à l'heure, un auteur contemporain qui s'appelle Stéphane Legrand, dont je vous recommanderai la lecture, qui a écrit un dictionnaire du pire, avec une couverture du noir partout. C'est le sarcasme. Être sarcastique, c'est pas quelque chose dont on a vraiment aujourd'hui une très grande idée, parce que c'est rare les gens qui sont sarcastiques. Le sarcasme, vous savez, ça vient du grec sarx, hein, c'est la chair, sarx. C'est un mode d'expression extraordinairement mordant et incisif, qui déchire tout à coups de dents. C'est quelque chose, le sarcasme, qui enlève des bouts de chair quand ça vous parle. Voilà, tout est détruit par ce mode de dénonciation. Je préfère parler de sarcasme que de négation. Parce que c'est ça, pas simplement l'esprit négateur. C'est que vous sentez dans cet esprit négateur une jouissance à l'œuvre. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la notion de sarcasme. Mais il n'existe pas de dépressif ordinaire dont le mode d'expression systématique soit celui du sarcasme. Ça, si quelqu'un comme ça est systématiquement dans cette espèce de dérision anéantissante de tout objet, surtout de ce qui a la plus grande valeur, et qu'il vous force à rire de toute prétention, affectation, de toute figure idéalisable, etc., qui vous amène, qui la chiffonne et la détruit sous vos yeux d'une formule assassine, s'il est sarcastique, il est mélancolique. C'est ça là, le trait de fondamental. Avec une nuance qui est assez particulière dans le sarcasme, c'est l'auto-application du sarcasme. C'est-à-dire que, bien évidemment, le véritable... C'est pour ça qu'il y a des mélancoliques qui peuvent rire. N'est-ce pas ? Le rire le rire mélancolique est une figure absolument... C'est un rire très particulier, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont... C'est le rire de l'anéantissement du sens de la vie. Je veux dire, tout est absolument pathétique. Pourquoi allez-vous simplement continuer à essayer de vivre, n'est-ce pas ? C'était manifestement absolument dépourvu de tout sens et de toute épaisseur. Qui donne une couleur au dire mélancolique dont la figure extrême, c'est que l'énonciation est une auto-expulsion. C'est-à-dire qu'au moment même... où la parole, l'acte de parole se déploie, le sujet qui déploie cet acte de parole, l'énonciateur, en quelque sorte, le sujet énonçant, s'auto-expulse en parlant. Ça, c'est ce qui fait d'ailleurs que ça peut avoir... il peut vous donner l'impression de vous dire quelque chose d'absolument anéantissant, mais vous ne serez jamais aussi anéanti que lui, quel que soit là. Le sarcasme cruel qu'il vous est, dont il est détruit votre... Vous ne serez jamais autant que celui qui est en train de parler, en train de vous détruire. Et à cet égard, je crois qu'on pourrait caractériser le dire mélancolique comme un anti-performatif. Voilà, si vous avez déjà ouvert, du Austin, des choses comme ça. C'est un dire anti-performatif, en un sens très particulier, c'est que c'est la volupté du non-faire hein, qui se déploie dans le dire mélancolique. De quelque chose qui est un acte non-acte, un anti-acte en quelque sorte, qui se résout dans la formule extrêmement brève. Parce qu'un sarcasme, il est d'autant meilleur qu'il n'est pas long. Tout à l'heure, je vous indiquerai le nom de la forme littéraire du sarcasme. On appelle ça un épigramme, qui est le plus court des genres littéraires dans les Grecs et les Latins avaient parfaitement repéré. C'est-à-dire des phrases extrêmement brèves, n'est-ce pas, auxquelles il n'y a rien à redire, okay, mais qu'une fois qu'elles ont été prononcées, l'amertume de les avoir prononcées est si violente dans la bouche même de celui qui les a présentées que son rire se transforme en ricanement. Et que c'est en quelque sorte là quelque chose qui ne cherche absolument à rien faire d'autre qu'à défaire ce qu'est l'effet performatif du langage. Autrement dit, alors que dire c'est faire, selon la fameuse formule d'Austin, toute formule mélancolique que vous pouvez repérer est au contraire placée sous le signe d'un extraordinaire laisser tomber le monde, n'est-ce pas ? Le laisser à sa propre pourriture, décomposition, nullité, etc. Et ne même pas, voyez, aller par la parole, aller faire autre chose dans ce monde que le rejeter en parlant sur le mode sarcastique. Un peu comme si, dans ce désinvestissement de tout, tout était rapporté au néant sur le fond de quoi n'importe quel objet émerge. Et bien sûr, le point, c'est ça, je crois, qui est souvent méconnu dans les phénomènes extrêmement impressionnants de ce qu'on appelle le raptus mélancolique, hein, où parfois se décrivant en troisième personne, par exemple, un immense mélancolique va décrire que comme une chose, il est jeté par la fenêtre, comme ça, il se voit, hein, il se voit son propre corps jeté par la fenêtre dans une abolition en général sidérante du je, de l'acte, du je, de la parole, etc. Ça s'abolit même dans les marques syntaxiques de la description de la chose. Combien c'est un acte qui est l'anéantissement de l'acte par excellence qu'est l'acte de parole. C'est le moment où il est complètement, il se laisse tomber en quelque sorte à l'intérieur même de son acte de parole. Du coup, tout ça aussi, vous voyez, c'est pour ça que j'essaie de le pointer. On fait des distinctions souvent très savantes entre les mélancolies autodélirantes, enfin les accusations autodélirantes de la mélancolie auto-accusatrice, et puis ces versants plus stuporeux, apathiques de certaines mélancolies où c'est le corps lui-même le sujet devient. On mentionne entre autres choses que le sujet est mutique, par exemple. Il ne parle pas. Bon. Mais ce dont on ne se rend pas bien compte quand on parle de ces choses-là, c'est qu'au fond, c'est parce que l'acte par excellence, l'acte de parole, est à tel point le paradigme absolu de tout agir humain, que même la motricité, dans ce qu'elle pourrait exprimer, dans le fait qu'elle prend notre corps, que notre corps est une immense machine à parler, une machine qui est dès le départ, par les yeux, dès la naissance, par les yeux, par la bouche, par toute l'agitation du corps, prise dans ce mouvement d'adresse-là et d'appel lancé à l'autre, que ce corps-là peut être effectivement quelque chose qui tombe et qui matérialise corporellement l'échec de l'acte de parole. Si bien que, loin des explications purement et strictement neurobiologiques, il faut bien faire attention que les prémices du figement psychomoteur spécifique à la mélancolie, c'est un silence. C'est pas du tout. C'est quand le sujet devient taciturne. C'est la taciturnité qui est le signe inquiétant du moment où le mélancolique va commencer, non pas à ne plus agir, mais même à se figer. corporellement. Ça, c'est quand même très particulier qu'un silence puisse déboucher sur un état corporel. C'est un silence qui est toujours accompagné d'un état mental particulier qui est l'ennui. Bon. Cet ennui a des figures qui sont toujours travaillées par la culture, de l'apathie, de la stupeur, etc. Au XIXe siècle, le lieu de travail de cet ennui, de cette taciturnité, pour les contemporains de James, c'est ce qu'on appelle la neurasthénie. C'est pour ça que pour tous les psychiatres de l'époque, c'est pas la dépression, ils n'utilisent pas du tout le mot de dépression, hein, ils utilisent le mot de neurasthénie pour désigner cet état menaçant qui peut aussi bien, n'est-ce pas, s'arranger avec un peu de douche, du sommeil, etc., et puis quelques rapports sexuels, si l'on veut, et que lentement glisser dans un état d'anéantissement subjectif qui fait de la neurasthénie le lit de la mélancolie la plus grave. Quand vous voyez à la fin du XIXe siècle, on l'oublie toujours parce qu'on dit la neurasthénie, c'était une erreur diagnostique. Non, la neurasthénie, c'est une perception ou une maladie qui n'existait pas, un peu comme notre dépression, un grand fourre-tout. Pas du tout, pas du tout. C'est la perception qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer chez un sujet, qui a toutes les apparences d'un machin somatique, mais qui, en réalité, pourrait bien être totalement psychique, et déjà la matérialisation dans le corps d'un processus psychique qui va aboutir à la psychose. Et donc, chez Kraepelin, c'est dans ces grands cas, ça, ils intègrent la neurasthénie à la base des plus grands états mélancoliques. Alors tout ça, c'est effectivement ce silence taciturne, je l'appelle taciturne ou même farouche, parce qu'il est toujours teinté dans la mélancolie d'une formidable méfiance à l'égard de l'expression en tant que telle. Un mélancolique, c'est quelqu'un qui regarde l'expression toujours avec méfiance. Ça, c'est un trait aussi, je crois, extrêmement sensible du dire. Dans cet espace-là, donc vous voyez bien pourquoi il est... Effectivement, il est culturellement, historiquement marqué. Pourquoi il est culturellement, historiquement marqué? C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, pour que ça nous soit sensible, il faut que nous mobilisions énormément de culture. Il faut que nous pensions à la littérature. Il faut que nous soyons capables de nous sentir affectés par des états raffinés de l'interaction affective avec autrui. Il faut sentir que quelqu'un est taciturne. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les gens peuvent dire « oui, il est mutique ». Voilà. C'est très difficile de détecter dans le mutisme de quelqu'un sa taciturnité, par exemple. Ou bien, il a envie de rien. Voilà. C'est une chose d'avoir envie de rien. S'ennuyer au sens de la neurasthénie, c'est tout à fait différent. Ça suppose que vous ayez une idée de ce que c'est que les profils psychologiques, les profils anthropologiques, les différences sociales, les modes de l'ennui, par exemple. La culture de l'ennui, le rapport à l'oisiveté, etc. Et donc, pour pouvoir sentir ce genre de choses, la mélancolie mobilise toute la culture des gens qui environnent le mélancolique. Elle nous oblige à mobiliser toute cette culture. Et je fais remarquer cette chose-là parce que c'est très facile de se moquer des médecins qui ne voient pas que quelqu'un est mélancolique et disent oui, c'est une dépression sévère, etc. Mais c'est aussi parce que peut-être méthodologiquement, l'attitude du médecin à l'égard de quelqu'un, c'est de mettre entre parenthèses le recours à la culture. Ça devrait, au contraire, nous faire tous sentir le coût, l'extrême difficulté, ce qui est exigé de nous quand nous portons un jugement sur la mélancolie de quelqu'un. Nous sommes obligés, à ce moment-là, de mobiliser la totalité de notre culture. Parce qu'il n'y a que cette totalité-là qui nous permet d'entendre ce que c'est qu'un sarcasme, une taciturnité, un trait d'humour noir, ou des choses de ce genre-là. Ce n'est pas pour vomir je ne sais quel savoir psychanalytique sur les ignorantins qui donnent des médicaments. C'est pour bien cerner les différentes positions, les différents rapports à autrui, à son corps, à son comportement, à sa subjectivité, savoir à quoi on est commis quand on décide de s'intéresser à cette subjectivité-là. Et à chaque époque, le diagnostic de mélancolie est toujours porté en utilisant des accomplissements suprêmes de la culture. que ce soit la Mélancolia de Robert Burton, que ce soit le problème 30 chez Aristote, que ce soit Deuil et mélancolie chez Freud, pour pouvoir dire que quelqu'un est mélancolique et pour pouvoir accéder à ce dispositif qui fait qu'il y en a certains qui vont crever quand ils vont perdre leur objet, tandis que d'autres vont survivre, à chaque fois, c'est des productions suprêmes de la culture qui sont impliquées, de la poésie, de la philosophie, etc. Quelques remarques supplémentaires sur le monde auquel on a accès. Dans cet objet, dans le monde du mélancolique, l'anéantissement de toute objectivité qui tienne le coup, n'est-ce pas ? À un moment, je crois, James parle du swarming void of things, le vide grouillant des choses. Hein. Dans ce vide grouillant des choses, dit James, vous voyez bien que tout, si un objet existe, s'il y en a un qui va exister, il sera nécessairement un objet d'artifice. C'est que dans le monde du mélancolique, il y a toujours un truc que vous pouvez repérer comme un objet vraiment très bizarre. Même si c'est sa montre, son stylo, je ne sais pas quoi. Hein, où il y a toujours un objet très bizarre. Et c'est cet objet, vous ne pouvez percevoir qu'il est maintenu comme objet dans le monde du mélancolique que par un montage totalement artificiel. C'est un miracle qu'il y ait un objet dans le monde mélancolique. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel j'insiste beaucoup, parce que vous voyez que l'Hôtel des Morts, qui est le modèle de ce que c'est que l'objet mélancolique, cette espèce de truc avec ses cierges qu'il a mis dans cette église catholique alors qu'il n'est pas religieux, vous voyez, cette érection de l'objet, en quelque sorte, est toujours très, très, très particulière, très spéciale. Parfois, le mélancolique, il ne retourne pas. Souvent, il ne vous en parle pas. Hein, il ne va pas vous mettre sur la table un objet de ce genre-là. Mais c'est ce par quoi il est fondamentalement connu. Parce que cet objet, je ne dirais pas qu'il tient lieu d'un monde, mais il est l'objet qui fait tenir dans le vide grouillant des choses le monde comme monde. C'est ce qui fait donc que dans beaucoup de cultures, alors pas la culture de la Renaissance, etc., mais enfin déjà chez Aristote, il y a une notion comme ça, c'est étroitement lié à la création. Le mélancolique, l'homme de génie, l'artiste, etc., dans ces figures, parce que une des figures valorisées de l'objet exceptionnel, c'est dans nos sociétés, c'est l'objet d'art, dans lequel un certain nombre de prédicats du sacré sont facilement... Donc là, il y a ce rapport intime à certaines époques de l'histoire à l'objet hyper valorisé qui est seul. À d'autres époques de l'histoire, par exemple au Moyen-Âge, c'est l'objet de savoir, c'est le livre, hein, d'où la figure extrêmement classique du moine qui perd un manuscrit. Et autour de ce manuscrit perdu, n'est-ce pas, c'est toute la... qui perd un livre, n'est-ce pas, et autour du livre, c'est la totalité du monde qui se met à disparaître. Donc il ne faut pas projeter cette représentation-là comme celle du créateur. Ça peut être dans d'autres époques où l'objet hyper précieux, ça va être le livre. Hein. Une cause de mélancolie, par exemple, au Moyen-Âge, c'est la perte du livre par un moine, par exemple. Un autre point qui nous fait bien avancer, à mon avis, dans la compréhension de ce dont il s'agit, c'est que l'acte de parole est tellement rare dans le monde mélancolique que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne rate pas son objet, celui-là. Hein, l'acte de parole, il a quelque chose de meurtrier. Il a quelque chose... qui le fait ressembler intrinsèquement à une flèche. C'est une image qu'Aristote a mise en circulation dans le problème 30, n'est-ce pas ? C'est le caractère de flèche de l'énonciation mélancolique, et qui, bien sûr, vient se ficher dans la chair de la cible, avec quelque chose qui a une dimension, comme je vous l'ai dit, de morsure. Il y a une oralité mélancolique qu'il ne faut jamais méconnaître. On parle toujours de l'oralité maniaque, n'est-ce pas ? Il y a une oralité mélancolique extrêmement particulière, c'est celle du chien qui mord, c'est-à-dire du cynique. Hein, il y a une dimension, le cynique, hein, le philosophe qui se promène avec une peau de chien, sur la tête, et qui dit à Alexandre le Grand, n'est-ce pas, pousse-toi, tu me caches mon soleil, n'est-ce pas, qui n'a donc aucune espèce de crainte, aucune idéalisation de d'Alexandre le Grand, n'est-ce pas, je veux dire, pousse-toi, tu m'empêches, et qui est, vous savez que les cyniques ont laissé des montagnes de tragédies, des milliers de... C'est parmi les auteurs philosophiques grecs les plus prolifiques, les cyniques, n'est-ce pas. Ils vivaient en lapant de la flotte dans les caniveaux, n'est-ce pas, si j'ose dire, mais ils écrivaient tout le temps des tragédies, des choses comme ça. Donc il y a une production littéraire, une écriture extrêmement intense, liée au mépris absolu de tous les faux-semblants de l'existence humaine, dont on ricane. Bon. Alors, la figure du sarcasme, dans cette culture, qui est nôtre, et qui, donc, c'est pour ça que je parle des latins et des grecs, fait que cet acte de parole extraordinairement rare, ce concentré d'actes dans lequel l'amertume et la violence, le trait qui vient piquer l'autre au cœur, et tout concentré, est une preuve de liberté absolue. Partout, le mélancolique qui ne fera rien contre le tyran, se contentera de décocher une formule extraordinaire contre le tyran, n'est-ce pas, en détruisant le faux-semblant imaginaire, les idéalisations populaires, etc., mais n'est jamais un révolutionnaire, c'est jamais quelqu'un qui va aller toucher à l'ordre du monde. Il se contente juste de piquer dans l'ordre du monde, ce qu'il y a de plus dérisoire, est une preuve c'est toujours une preuve de liberté absolue. Ça aussi, c'est, je crois, un des traits d'identification très simple. À quoi vous reconnaissez un mélancolique? C'est un homme parfaitement libre, ou une femme totalement... Rien ne l'intimide. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas le menacer de mort, il vous parle d'au-delà de la mort. Donc vous pouvez le tuer, etc. De toute façon, celui qui meurt, pour le mélancolique, il s'en tire à bon compte. Celui qui meurt. Hein, il s'en tire à trop bon compte, au fond. Ça, c'est aussi une dimension donc, est-ce que vous voulez me tuer? Mais faites, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez, cette figure qui est très importante dans l'Antiquité, à la Renaissance, du propos jeté à la face du tyran par le sage mélancolique, qui ne détruit pas le tyran en tant que tyran, mais qui vise au cœur la subjectivité du tyran et ce pourquoi le tyran se prend, n'est-ce pas ? Alexandre se prend pour Alexandre, pousse-toi de mon soleil, n'est-ce pas ? Ça, c'est extrêmement caractéristique. Et c'est là, je crois, même le caractère de non-faire de cette énonciation est fascinante. Elle n'est pas révolutionnaire. Ça qui est tout à fait troublant. N'est pas révolutionnaire, elle ne fait pas, à proprement parler, coup ou insulte contre l'ordre réel de l'oppression ou du faux-semblant. Elle se contente de le piquer, voyez, juste de le pointer de cette manière-là. C'est pourquoi les grands âges de la mélancolie sont aussi des âges de ténèbres, de disparition des libertés individuelles, etc., dans des menaces de mort permanentes sur tout le monde. C'est certainement pas pour rien que vous avez les grands maîtres de l'épigramme vivent dans des sociétés qui sont très souvent des sociétés extrêmement tyranniques, c'est pas les sociétés d'Ancien Régime, la fin de l'Empire romain, etc. Parce que l'épigramme, eh bien, c'est le plus bref des genres littéraires, n'est-ce pas ? La tragédie étant le plus long, l'épigramme est le plus court. L'épigramme ne tient qu'en une phrase, et cette phrase ne tient qu'en un trait. Voilà. Là, la phrase est identifiée à un trait. C'est extrêmement important de penser à ça, si vous souvenez de ce que Lacan raconte de l'holophrase, par exemple. On peut aller plus loin, certainement, en disant que justement, il y a une figure de l'holophrase qui est le trait pur. Le trait, c'est la caractéristique de l'énonciation mélancolique, qui n'est suivi d'aucune action réelle contre l'objet visé, hein, Mais c'est une mise à mort projective du sujet dans l'autre qui caractérise en général l'épigramme. Bon, j'en donne un exemple pour ceux qui s'en souviennent pas, n'est-ce pas, un serpent piqua dans un vallon, piqua Jean Fréron, n'est-ce pas, qui croyez-vous qui mourut, ce fut le serpent qui creva, n'est-ce pas, ce pauvre Jean Fréron qui était un misérable poète auquel Voltaire voit une haine bien sentie, n'est-ce pas, un épigramme c'est ça. Un épigramme, c'est une pièce de bœuf, de porc, excusez-moi. Une épigramme, c'est justement, vous voyez, une formule assassine, essayer de qui met en scène la morsure du serpent. Hein, c'est pas pour rien si vous avez remarqué que Acton Agg meurt d'une morsure de serpent. Dans les îles Westward Indies. C'est tout évidemment tellement surcodé chez James qu'on s'y perd, n'est-ce pas ? Parce qu'effectivement, c'est de ça qu'il meurt, n'est-ce pas ? Mourir d'une piqûre de serpent, sauf que là, c'est le serpent qui crève, quoi. Donc là, je ne me rappelle plus exactement des vers. Quelqu'un se souvient de cet épigramme ? L'autre soir, au fond d'un vallon. Un serpent piqua Jean Fréron, que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut Jean Fréron qui creva. Non, ce fut le serpent. Serpent qui creva. Voilà, merci. Ça, c'est un. Alors, il faut que la forme soit brève. Bon. Je signale ça parce qu'aujourd'hui, il y a cette espèce d'extase imbécile devant les haïkus, n'est-ce pas ? Je rappelle que dans notre culture, il y a une forme brève. Le haïku. Les trucs japonais là, moins vous savez de mots, plus meilleur poète vous êtes, n'est-ce pas ? C'est vraiment un truc très amusant, le haïku. Et donc, il y a une forme dans notre culture, il y a une forme brève et qui est profondément écrite dans notre culture, c'est l'épigramme. Et évidemment, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des gens qui font des épigrammes. Et alors, j'ai trouvé en lisant ce dictionnaire du pire de Stéphane Legrand, que je vous recommande chaleureusement, quelqu'un qui... Alors, c'est très inégal, parce que par définition, l'amertume du propos, il est inclus dans l'amertume d'un propos aussi sarcastique sur les choses et le monde... d'être inégal, n'est-ce pas ? C'est que, donc il y a des trucs, parfois c'est mauvais, ou c'est moins bon que d'autres. Mais je crois que ça donne comme des grumeaux, n'est-ce pas ? Cette espèce de texture amère, à l'ensemble, quand vous lisez les définitions qu'il donne dans le dictionnaire du pire. Et pourquoi la forme du dictionnaire est-elle si extraordinairement mélancolique ? C'est parce que tout y passe. Voilà. Tout y passe, et lettre par lettre. C'est que, vraiment, là, vous allez avoir... Un désingage de l'univers littéral, lettre par lettre. Et il a, je crois, assez bien... Bon, il y avait déjà le dictionnaire des idées reçues qui n'est pas mal. Mais celui-là aussi, c'est très très fin d'avoir pensé à l'idée d'un dictionnaire. Et aussi avec cette idée que dans le dictionnaire, ce qu'on attend, c'est une définition. Rien ne se prête mieux aux traits sarcastiques et épigrammatiques que la définition. De définir une chose... lorsque, surtout, cette définition finit par se mordre la queue en produisant une destruction de la chose qui est en train d'être définie. Mieux on la caractérise, et plus vous voyez sa vacuité, sa vanité, son caractère absolument... pourquoi une chose pareille peut bien exister ? Quel dieu imbécile a rempli le vide d'objets aussi dérisoires ? Voilà. Enfin, c'est l'exclamation permanente de ce type de figure. Et c'est bien dans le cadre de la mélancolie que, du coup, vous pouvez dire, non pas avec Hegel que le mot est le meurtre de la chose, mais que le bon mot, est le meurtre effectif, hein, pas symbolique, c'est le meurtre réel de la chose. Et ça, c'est une dimension du vice mélancolique que Freud capte plus ou moins à travers la notion d'humour noir, hein, mais qui n'est que une partie du continent du vice mélancolique. Parce que l'humour, comme rapporté au surmoi, vous savez, chez Freud, l'humour est un des aspects de comment le moi résiste au surmoi. Mais il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que l'humour, c'est la position de l'auteur d'épigraphe. Alors, cette immense entrée en matière sur la question de la mélancolie pour arriver à l'ennui suivant, qui justifie pourquoi je me suis permis cette très longue dérive et cette espèce de recadrage de la question de la mélancolie dans ce que j'appelle un dire qui est un non-faire, un dire qui contracte le faire qu'il y a dans tout dire jusqu'à son point minimal, hein, et au point même d'expulser l'énonciateur, bon, qui est la clé de voûte, à mon avis, de ce que c'est que la mélancolie. C'est que cette adresse mélancolique, l'anti-performativité mélancolique, la parole comme non-faire, eh bien, est presque toujours invisible. Lorsque je dis que la mélancolie est indistinguable de la dépression ou de la tristesse ordinaire, c'est que, justement, vous n'avez jamais directement accès à une chose pareille. Ça suppose un prodigieux travail d'interprétation et de contextualisation. Ça suppose une ouverture au dire mélancolique pour entendre ça, hein, qui n'est pas donné à toutes les époques. Et pourquoi, non seulement c'est pas donné à toutes les époques, mais ça n'est jamais donné à aucune époque? Eh bien, parce que si vous voulez vous donner une idée précise de ce que c'est que la pulsion de mort, eh bien, c'est ce dont on vient de parler. L'invisibilité du dire de la mélancolie, c'est l'invisibilité de la pulsion de mort. Tout ce que nous attrapons du mélancolique, c'est ce par quoi il ne l'est pas tout à fait. C'est ce par quoi vous sentez dans l'épigramme la verve. Dans l'amertume de la mélancolie, quelque chose qui sale l'existence, qui la rend piquante, qui la rend, etc. Autrement dit, tout ce que vous attrapez de la mélancolie, c'est la contribution positive de la mélancolie au travail de la culture. C'est le moment où vous voyez comment la mélancolie, pour parler freudien, etc., se mêle quand même d'un certain courant érotique qui nous permet d'en toucher quelque chose. Et c'est l'envers de ce courant érotique, n'est-ce pas? Ce qu'il y a sous la verve des épigrammes de Martial, ce qu'il y a sous les définitions assassines, par exemple, du dictionnaire de Legrand, c'est ce qu'on appelle la pulsion de mort, c'est quelque chose dont non seulement il ne saurait y avoir de conscience, mais dont il ne saurait même y avoir de concept. Puisque même un concetto, même une pointe, même un concept, un vitz en ce sens-là, c'est déjà quelque chose qui est repris dans la dynamique du principe de plaisir. Et donc, la difficulté de l'appréhension de la mélancolie, c'est comme Freud va finir par le dire, c'est que si vraiment vous voulez aller au fond des raisons qui nous permettent d'imaginer pourquoi certains vont survivre à leur perte tandis que d'autres vont mourir, c'est que parmi les raisons de la série de la mélancolie, on est obligé de postuler son invisibilité qui n'est rien d'autre que l'invisibilité de la pulsion de mort. Et du coup, c'est la difficulté, c'est d'interpréter dans tel trait, dans tel objet, dans telle œuvre, comme ça, la trace du silence de la pulsion de mort. Et je crois que James, là, comme ça, se rapproche de nous, parce que vous voyez, dans je ne sais quelle ambiance indéfinissablement morbide et mortelle, où planent ces êtres fantomatiques de l'hôtel des morts, n'est-ce pas, vous sentez ce fond de nuit, comme ça, d'où se détache un grouillement des choses, n'est-ce pas, qui est une véritable illusion par rapport au néant qui se place juste derrière. Autrement dit, tant que le mélancolique est vivant, il est triste, mais il est mordant et il est extrêmement libre. Et du coup, nous ne pouvons confondre que confondre le mélancolique avec un endeuillé qui fait bonne figure, quoi. C'est ça qui nous trompe absolument. Hein. Nous ne pouvons confondre le mélancolique qu'avec un endeuillé qui fait bonne figure. Et c'est très exactement, d'ailleurs, je crois, la première phrase du, cette nouvelle. He had mortal dislike post-transom to lean anniversaries and loved them still less when they made a pretense of a figure. Hein, il avait un dégoût mortel, le pauvre Stranson, pour les anniversaires ou les commémorations à bon marché, etc., vite fait. Et il les aimait encore moins quand elles prétendaient ressembler à quelque chose. Hein, to make the pretense of a figure, hein, se donner des grands airs, en quelque sorte. Là, c'est vraiment, je crois, une... Dès la première phrase, on a le sentiment là qu'on a déraillé sur une série qui n'est pas exactement celle de la perte telle que nous la concevons. Plus grave que cette confusion entre le mélancolique et un endeuillé qui ferait bonne figure, donc le mélancolique et sarcastique, c'est que nous manquons qu'il s'agit sans doute dans la mélancolie d'un projet subjectif qui n'a, avec la dépressivité et même avec le deuil, qu'un rapport contingent. Ça, c'est, je crois que tout à l'heure, quand je vous disais que la mort, c'est franchement le cadet des soucis du mélancolique, quand vous vous placez, quand vous appréhendez le mélancolique du point de vue de son énonciation, il vous parle d'au-delà de la mort. La mort, c'est le truc facile que les gens ordinaires se réservent pour se débarrasser de leurs péchés. Quand on est mélancolique, on ne se paye pas de ces petits expédients que d'agoniser et de mourir. Et comme vous savez, dans le Cotard, ça peut aller jusqu'à se savoir éternel et vouer éternellement à souffrir une damnation qui n'en finira jamais avec une souffrance absolue. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une position très particulière. Bon. Mais du coup, il faut aller jusqu'au bout de la chose. Peut-être que ce rapport que nous avons en essayant d'attraper le mélancolique par son rapport à la mort et au deuil, ça en dit long sur notre névrose, mais pas grand-chose sur la psychose mélancolique, en fait. Que peut-être deuil et mélancolie, ça nous en dit beaucoup sur la position subjective d'un Freud, d'un Abraham, et peut-être aussi des gens de cette époque-là qui associent la mélancolie au deuil. Mais si vous grattez un peu, il y a des tas de gens au XVIIe siècle qui ont associé la mélancolie à des problématiques tout à fait différentes de celles du deuil. Par exemple, le démoniaque, par exemple. C'est pas le deuil. Hein. C'est dire que les sorcières sont frappées de mélancolie, ou les gens qui se croient être des sorciers ou des sorcières, ou qui se croient possédés, sont des possédés du diable, hein. Sont mélancoliques. Est-ce que c'est parce qu'ils appellent mélancolique des choses où on a bien dépassé ces bêtises, et puis c'était un usage tout à fait marginal du mot, ou est-ce que c'est parce que c'est nous qui sommes incapables de nous décoller de cette association du deuil et de la mélancolie, de la série, de la perte qui, pour le névrosé, est si grave, n'est-ce pas? Il va perdre son objet d'amour, sortons nos mouchoirs. Hein, et de plaquer cela sur quelque chose qui pourrait être une série divergente. Bon. C'est parce qu'on voit l'affect, c'est parce qu'on n'entend pas le régime énonciatif. Et le plus vertigineux serait ainsi qu'en réalité, la mélancolie soit désormais, dans notre culture, ailleurs que dans la plainte dépressive qui lui sert de prototype, y compris dans la psychiatrie. Et que le rapport au manque, que le deuil a fixé imaginairement et presque normativement dans notre culture, n'est-ce pas, maintenant, il faut faire son deuil de tout, dès que vous perdez quelque chose, faire son deuil, n'est-ce pas, bon, non seulement rate la question de la mélancolie, mais que quand on commence à vouloir traiter le mélancolique en lui apprenant à faire son deuil de quelque chose, on le précipite soi-même par la fenêtre avant même qu'il ne se soit jeté à travers. Tellement on commet un contresens sur l'expérience subjective qui s'organise autour de cette question du deuil. Dans d'autres circonstances, j'ai ainsi défendu que le transsexualisme est une mélancolie postmoderne et qu'elle n'a rien à voir avec le deuil, hein, qu'il y a quelque chose dans le transsexualisme qui est de la nature de la mélancolie. Peut-être que Judith Butler, donc vous savez que je la déteste, dit quelque chose à cet égard d'intéressant quand même. C'est quand elle rattache ça au thème du genre, de la mélancolie du genre, et que là elle semble deviner qu'il y a quelque chose d'autre que le rapport classique ou figé comme ça au deuil. Et donc, à quoi reconnaît-on une mélancolie ? Ce qui m'a beaucoup intéressé dans le parallèle, si vous voulez, extraordinaire entre Stransom et la nièce de l'Hôtel des Morts, qu'on voit finalement partager en miroir un certain nombre de positions, de rapports à Acton Hagen, de se retrouver autour de cet hôtel, d'avoir des jugements particuliers, d'espérer l'un l'autre que la bougie qui va être au milieu va représenter telle ou telle personne chère à leur cœur. Cette espèce de parallèle, c'est en même temps, et qui est très important, n'est-ce pas ? Parce que ça nous permet de voir que comportementalement, objectivement, c'est vrai que la mélancolie n'est pas toujours distinguable du deuil normal. Ce que je voudrais approfondir, c'est la possibilité que ce parallèle soit en fait l'indication d'une divergence radicale. C'est d'interpréter James comme étant plus fort que Freud, c'est-à-dire pas deuil et mélancolie, n'est-ce pas ? Mais la mélancolie comme quelque chose qui serait précisément dans le malentendu, poursuivi jusqu'au bout, finalement, jusqu'à la mort de Stransom. Jusqu'au bout, il y a ce malentendu entre tous les deux, sur la nature même de ce qu'ils sont en train de faire à l'hôtel des morts, ce qu'ils y partagent. Jusqu'au bout, ils vont se tromper sur l'objet qu'ils croient y partager. De montrer qu'il y a là, derrière le parallélisme le plus rigoureux, une divergence extraordinaire. Et que James a pu, comme ça, deviner, avec parce qu'il est dans la langue, et je vous dirais, on trouverait en anglais pourquoi c'est si étonnant, parce qu'il est dans le travail même de la langue, il sent comment la langue peut dissocier, en réalité, ces deux destins. Et nous montrer que ce parallélisme, bien sûr, il est surcodé. Chacun des deux, par rapport aux conventions sociales, honore ses morts, a de la haine pour tel objet, veut avoir cet objet en commun. Et en même temps, chez James, il y a l'indication de la divergence radicale du deuil et de la mélancolie. Et du coup, ça nous amènera à un certain nombre de considérations après, qui sur Schreber, vous verrez par quel chemin. Alors je vous rappelle l'intrigue. En fait, ce que j'ai fait ce soir, c'est une tentative d'aller plus loin qu'un texte que j'ai écrit en anglais, que j'ai lu devant un psychiatre, d'ailleurs c'est un professeur de social work, je ne sais pas comment on dit, de travail social, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, qui s'appelle Jerome Wakefield, et un aréopage de psychiatre pour qui la psychanalyse est un objet très intéressant parce qu'ils n'en ont jamais vu, donc c'est un truc qui les fascine complètement. Et donc je m'étais servi de cette nouvelle d'Henry James pour essayer de faire sentir qu'est-ce que c'était au juste la position analytique lorsque on s'accorde sur le fait que la psychiatrie contemporaine de la dépression, en faisant l'impasse sur l'objet de la dépression, ça, on était tous d'accord, ça. Elle va dans le mur, n'est-ce pas ? Elle met sur le même plan la perte de l'emploi, la perte de l'enfant, elle homogénise des voix. Tout le monde était d'accord là-dessus, mais qu'est-ce que ça pourrait être, justement, que ce rapport à l'objet tel qu'il a été travaillé dans la psychanalyse, dans l'histoire de la psychanalyse, et en quoi ça éclaire des dimensions beaucoup plus rationnelles et beaucoup plus sensibles dans la discussion pour ces psychiatres, qui sont des psychiatres cognitivistes en général, de leurs propres problèmes avec le caractère intentionnel des états dépressifs, des états anxieux, etc. Et donc je m'étais servi de cette nouvelle, de l'Hôtel des Morts, pour raconter en un langage philosophiquement intermédiaire entre la psychanalyse et eux, et littérairement sensible, c'était leur langue, donc ils étaient capables de sentir ce type de nuance, où se situe le point de divergence. Mais je voudrais aller plus loin. Je voudrais non pas juste indiquer la possibilité de où se situe finalement une manière de lire Mélanie Klein, Abraham, ce que je vais faire sur le deuil, Mais aller plus loin, c'est-à-dire aller jusqu'à l'idée qu'on ne peut pas exprimer devant ces gens, ça c'est sûr, qu'il n'y a qu'un rapport contingent et peut-être historiquement déterminé entre deuil et mélancolie. C'est ça, ça c'est impossible à dire. C'est déjà beaucoup d'avoir rendu crédible que, rationnellement, sans même lire Freud, et juste en réfléchissant à ce que c'est qu'une perte, et le problème des gens qui meurent et des gens qui vivent, hein, on est déjà au cœur de toutes ces questions que l'histoire de la psychanalyse nous a racontées. Et le procédé, c'est très simple. Pourquoi je parlais de Mélanie Klein et de ces gens-là? C'est parce que nous avons, dans l'histoire de la psychanalyse, une considération très simple, celle de la relation d'objet. Toutes les théories de la relation d'objet, celle de Mélanie Klein, celle de Fermat, celle dont part Lacan, il ne faut jamais oublier qu'il part de la relation d'objet. C'est la relation d'objet qui est retravaillée dans le cadre structuraliste, si vous voulez. Ce n'est pas la psychanalyse, c'est une certaine version de la psychanalyse qui est celle de la relation d'objet, qui est repris avec la théorie du signifiant. Bon. Donc c'est facile, d'une certaine manière, de dire ce que je voudrais faire, c'est aller un peu plus loin. Alors, je vous rappelle l'intrigue, qui est d'ailleurs dans l'objet d'un film que j'aimerais bien voir, qui s'appelle La Chambre verte de Truffaut. Il y a des gens qui l'ont vu. Voilà. Alors, il paraît que c'est un mélange de nouvelles de James, et notamment de celle-là. Alors, Roger Stransom a perdu Mary Antrim, sa femme, il y a de nombreuses années de cela. Je reviendrai sur les détails fins, mais c'est pour vous remettre un peu l'histoire en mémoire. Donc, d'abord dans son esprit et ensuite dans la réalité, il va fabriquer cet hôtel des morts dans une église catholique. Old Confession, c'est une église catholique. Hôtel de cierges, n'est-ce pas, où chacun de ces cierges compte pour un mort. Voilà. Et là, il y rencontre quelqu'un qui est désigné comme Nameless, qui n'a pas de prénom, pas de nom, etc. C'est Nameless Lady, une femme sans nom, in mourning and relieved, c'est-à-dire qui en faisant son deuil n'est pas soulagée. Qui est comme un fantôme, puisqu'elle est décrite, elle hante ce lieu, c'est un fantôme. Ce sont tous des fantômes. Si vous regardez, Mary Antrim est un pale ghost, un fantôme pâle, elle-même est un. Donc, elle hante l'hôtel. Et toute l'histoire se déroule de la façon très simple. Il y a une identité comportementale parfaite des deux chagrins. En particulier corseté dans les conventions victoriennes de l'époque, qui sont totalement mises en évidence, notamment par un court chapitre dont la fonction est précisément d'indiquer le fait que tout ça tient par les conventions sociales. C'est le petit chapitre où il rencontre un vieux copain qui est allé faire son deuil en Amérique, for a little change, comme il dit, et puis il est revenu avec un little change au bras, n'est-ce pas, un petit changement au bras. C'était tellement méprisable que ça lui donne quasiment envie de vomir, à Stransom, et qui est là pour indiquer justement l'importance de ces conventions qui verrouillent la question de la mélancolie sur la question du deuil et du grand deuil victorien de 3 ans avec l'interdiction de sortir en société, etc. Il y avait le deuil de 3 ans, le deuil de 7 ans, etc. Bon, qui était en fonction de votre âge. C'est-à-dire que plus vous étiez âgé comme femme, plus il fallait que ça dure longtemps. Les deuils, comme ça, on était tranquille. Ça permettait de marier les jeunes gens plus facilement, à des personnes plus jeunes. Donc, plus la dignité victorienne de rigueur est là, et que ce qui est très intéressant, c'est que du coup, dans une culture de ce genre, il ne saurait y avoir de différence entre un deuil terminable et un deuil interminable, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la structure temporelle est contrainte par l'expression sociale de la manifestation du chagrin qui verrouille la marche des affects, la position des gens, le degré, le nombre de fois qu'ils peuvent s'inviter les uns les autres à sortir, à quel type de spectacle, habillé comment, ça va jusqu'à, je crois, dans certaines classes sociales, jusqu'au nombre de chevaux qu'on peut mettre sur la voiture en fonction de l'état d'avancement du deuil, etc. Choses qui ont, en France, je vous vois sourire, mais sociologiquement, ça a disparu assez tard, vous savez. C'est dans les années 50, si vous regardez les photos de la rue dans les années 50, il y avait encore le ruban noir. Je ne sais pas si... il n'y a pas de gens assez âgés pour se souvenir de ça ici. Il n'y a que des jeunes à ce séminaire. Mais à l'étage, par exemple, je suis sûr qu'il y a des gens qui se souviennent d'avoir vu dans leur jeunesse, avec un ruban noir, n'est-ce pas, et le deuil était porté comme ça. Vous ne verriez absolument personne, c'est inimaginable. Même s'habiller en noir, dès qu'on rentre du cimetière, désormais, on cesse de s'habiller comme ça. En tout cas, du coup, c'est ça qui est génial, ça vous montre qu'au fond, la différence entre un processus vital et une mélancolie lente et douce qui vous, de sursaut, hein, qui au bout, parce qu'elle s'en remet hein, de la mort de son amant hein, à la fin. Hein. C'est justement le moment que choisit l'autre pour crever dans ses bras, hein, par un tour de vis absolument typique de la méchanceté ignoble des mélancoliques, n'est-ce pas ? Il attend, hein, c'est ce que, il attend qu'elle ait fait son deuil pour lui crever dans les bras. Hein, ça, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'en sortir comme ça. Là, vous avez c'est là, je crois, hein, parce que les mélancoliques, on les adore, n'est-ce pas ? Mais il ne faut pas les... Il faut quand même se tenir à bonne distance hein, des mélancoliques. Parce que ça, c'est génial, la fin. Enfin, la fin, c'est qu'il lui meurt dans les bras pour qu'elle reste en deuil. Ça, c'est quand même un truc... Il capte le moment d'amour et il choisit le moment d'amour pour mourir, quand même. Parce que c'est l'acte du mélancolique, il est là. Donc là, il ne faut pas oublier cette nuance atroce de la fin... sur laquelle on peut passer, n'est-ce pas, on peut passer un peu vite la dernière phrase, et ne pas voir ce qui va se passer, du coup. Je ne sais pas si vous aviez eu cette intuition là, que maintenant, ben voilà, elle a perdu Actonheim, mais elle va pouvoir faire le deuil de Stransom. Hein, elle ne s'en sortira pas comme ça. Et en tout cas, c'est tout au bout. Donc on ne voit pas la différence entre un processus vital qui est en train de se faire et qui va amener cette personne, la nièce, à s'en sortir. Et puis, parallèlement, alors qu'ils sont, il n'est pas dans un état, il n'a pas le foie, mais un moins bon état, et on peut même à la limite imaginer qu'il n'a pas les neurones dans un état si différent que ça, Stransom, qui, lui, poursuit un projet subjectif totalement hétérogène, n'est-ce pas, dont, finalement, le but est de détruire la vie de la femme qu'il est en train doucement de séduire, sans rien en savoir. C'est pour ça que ça marche. Et il n'en sait rien, donc évidemment l'eau tombe dans le panneau. Et puis cette femme, qui ne se rend pas compte, qui elle se rend compte qu'elle est en train de l'aimer, hein, et qui au moment où elle trahit son attention pour lui, va le recevoir comme cadavre dans les bras. Bon. Alors, ils vont dans cet hôtel, n'est-ce pas ? Et c'est écrit comme un rituel à deux. The Community of Service, dit James. C'est un rituel à deux. Ils s'y retrouvent. Et voilà, sans rien dire, ils communient sans rien dire dans ce silence qu'ils croient homologue. Ils croient que les deux silences, les deux, ne passent parler à la même valeur, n'est-ce pas ? C'est surtout ce qui est poignant, je trouve, c'est l'histoire de la nièce là-dedans. Hein, parce que c'est vraiment la nièce qui va être là-dedans la victime absolument médusée du processus diabolique, du processus démoniaque qui habite Stransom, dont Stransom ne sait rien et dont il pourrait se dire innocent, hein, mais que Henry James nous permet tout à fait bien de repérer, hein, mais avec cette espèce de distinction qui est la sienne. Et puis alors, ils découvrent qu'ils ont un objet commun. Et cet objet commun, c'est donc Actonhag, ennemi de Stransom, pour d'indicibles motifs, qui, je vous montrerai, quand on regarde un peu, sont typiquement les motifs de la paranoïa. Autrement dit, ça n'engage pas les faits, mais ça engage une certaine interprétation que seul Stransom est capable de faire de ce qu'a fait publiquement son ami Actonhag, et qui est quelque chose de tellement terrible qu'immédiatement il a rompu tous ses rapports avec Actonhag. Et c'est vraiment étroitement lié, vous verrez, à une interprétation, à un phénomène de signification personnelle pour Stransom. C'est-à-dire qu'il a très bien détecté Henry James, qui devait en savoir un bout sur la mélancolie. Il a parfaitement bien détecté la dimension paranoïaque, le point de paranoïa qu'il y a dans cette chose-là, dans la mélancolie. Et alors Actonac, de l'autre côté, est l'examen. A-t-il été fidèle ou infidèle? S'est-il même passé quelque chose? Se sont-ils dit quelque chose? Y a-t-il eu un échange de regards entre... Et ça en serait resté un échange de regards entre Acton Hague et ça? On ne le sait pas. Bon, mais il y a peut-être des raisons de penser que c'est peut-être resté un échange de regards. À nouveau, vous voyez que la technique de James, c'est d'essayer de faire en sorte que l'objet, les points de convergence entre ces couples, n'est-ce pas, soient des objets totalement évanouissants, laissés à votre interprétation. Au juste, mais qu'est-ce qu'ils ont de commun? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui peut passer d'une série à l'autre? C'est un objet, vous voyez, qui pourrait être extraordinairement ténu. Et pourtant, il a une puissance d'organisation, cet objet très ténu, dans les séries et les symétries et les parallèles, qui est tout à fait fascinant. De façon à bien mettre en évidence l'objet avec un O majuscule, qui est l'autel des morts. Alors, cet Acton Hague, il faut bien entendre comment ça... Acton Hague, il y a une rime pour l'œil avec Hague. C'est-à-dire que si vous enlevez le H de Hague, vous avez Ague, qui est un des mots d'ailleurs qu'utilise James, qui est un mot un peu rare qui désigne les fièvres malignes. N'est-ce pas ? Or, il se trouve que Mary Antrim est morte d'une fièvre maligne. Il se trouve justement que l'état dans lequel va se retrouver Stransom, c'est celui d'une fièvre, c'est toute cette notion de la fièvre, et que Acton Hague, c'est act on ague, c'est agi sur un coup de sang, sur un coup de fièvre, hein, etc. De la même manière, Stransom est un mot valise qui est formé sur stranded and handsome, c'est-à-dire sur stranded, n'est-ce pas, l'épave. L'épave échouée est handsome, qui est beau. Et c'est d'ailleurs exactement le même mot handsome qui est faded and handsome, ce sont les deux adjectifs qui caractérisent la nièce, n'est-ce pas ? Une beauté évanouie, n'est-ce pas ? Quelque chose qui est comme des fleurs qui ont perdu leur parfum et leur couleur, comme des roses qui ont commencé à sécher, qui ont gardé leur beauté, mais une beauté dont les nuances de la vie, ont été soufflées, en quelque sorte. Alors, Mary, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, hein, c'est la Vierge. And Trim joue sur le même type de choses, n'est-ce pas ? C'est Trim. Trim, c'est le bord nettement découpé des choses. Et effectivement, c'est l'autre rive où elle se tient et d'où elle revient à la fin, de l'autre côté des morts, sous la forme non pas d'un pale ghost, mais d'un radiant spirit, d'un esprit complètement lumineux, quand elle apparaît et qu'elle tend la main à Stransom en lui offrant la possibilité de la vie dans l'acceptation de l'amour qu'elle lui fait, et un petit peu par un geste inversé du geste avec le spectre dans Molière, enfin, il refuse, hein. Il y a un refus extraordinaire, un refus presque sarcastique de l'invitation de Mary Antrim, et c'est précisément ça qui l'entraîne dans la dernière page du livre vers la mort. Et cet autel, du coup, d'où elle apparaît, cet autel est une bordure entre le monde des vivants et le monde des morts, hein. Et il décrit d'ailleurs cet autel comme une suite de phares sur le bord de l'océan de la vie. Au sens, justement, si c'est le bord de l'océan de la vie, n'est-ce pas, le point d'où vous le voyez, c'est là où c'est la non-vie. Hein, c'est le point où c'est marqué. Alors, la confusion qui existe sur cet objet commun, hein, je vous donne ces indications si vous avez envie de relire ça en vous appropriant un peu ce que je vous propose comme subtil parallèle dont tout l'intérêt est de montrer que c'est un parallèle qui est forcé, qui est produit, et que c'est un parallèle qui est l'instrument d'un malentendu absolu entre la série du deuil normal et la série de la mélancolie. Un parallèle qui est où c'est les conventions sociales qui ligotent l'un à l'autre les deux personnages, alors que c'est une toute autre histoire qui est en train de se dérouler. C'est ces descriptions saisissantes que fait James, n'est-ce pas, de Stransom, qui est décrit avec un vide central, hein, de central hollow, hein, de son existence, qui est le véritable objet. C'est-à-dire que là où il y a un objet qui est Acton Hague, pour un objet perdu qu'il faut idéaliser, et qui est un objet unique, et qui est the only one, hein, c'est the only one, the one only, c'est le cierge qu'elle aimerait qu'il ajoute et qu'il compte parmi ses morts, et dont l'absence sur l'autel des morts est le point de litige entre Mary Antrim et Stransom. Hein. C'est cet objet, elle croit que c'est un objet de ce genre, mais sur le mode de la haine, du refus ou de l'amour déçu qui se trouve chez Stransom. Mais chez Stransom, le véritable objet, c'est le manque, c'est le trou qui a été installé. C'est une chose qu'on m'avait montré quand j'apprenais un peu ce que c'était que le lacanisme. Vous voyez pourquoi Lacan écrit l'objet petit a en utilisant la lettre petit a qui se trouve sur les schémas topologiques pour désigner le petit autre, avec des parenthèses. Parce que si vous mettez des parenthèses autour de l'objet du petit a, et si vous appelez l'ensemble objet petit a, c'est parce que le petit a du semblable, pof, vous pouvez le faire tomber. Et là, vous avez juste le vide. Vous avez la place d'instanciation. Hein. Cette place d'instanciation qui peut être désertée de toute image. Et justement, la confusion, c'est que dans la mélancolie, c'est la présentification réelle de ce vide entre les parenthèses, qui peut être occupé par toutes sortes d'objets. Après tout, ça n'empêche pas les mélancoliques d'avoir des rapports à des objets d'amour, de les investir, de les aimer, d'avoir des enfants, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que la parenthèse, elle ne tient pas à l'objet. L'objet, il peut tomber radicalement. C'est ça qui est le point, c'est pas une parenthèse symbolique. C'est un mode de tenue réel qui fait qu'il y a quelque chose toujours dans la saisie de l'objet où le réel du corps du mélancolique est impliqué. Que ce soit une certaine manière de plisser les yeux, que ce soit une induration fécale avec un véritable fécalome et des effets de constipation absolument récurrents, etc., il y a toujours quelque chose dans le corps, là, comme ça, ou un mode d'articulation singulier, qui fait que l'objet est retenu à l'intérieur du corps, non pas par ses dimensions symboliques de la parenthèse, mais par des constrictions destructrices du corps, qui quelquefois peuvent aller jusqu'à des véritables phénomènes étranges, qui peuvent être, comme l'exemple du fécalome, est extrêmement typique, hein, dans les grandes mélancolies anxieuses. Une autre chose qui est le point d'ambiguïté que seul peut-être Lacan nous permet de bien repérer dans cette double série, c'est que quand il parle du « one », hein, du « un », hein, de « only one », c'est que pour Mary Antrim, il est comptable, cet « un ». Il est comptable. C'est celui qu'elle a perdu. Et dont elle pense, ben c'est tout simple, il suffirait que son cher ami fasse son deuil, accepte que son ami est mort, même s'il l'a détesté, qu'il aille jusqu'au bout de son ambivalence, hein, et puis qu'il allume un cierge de plus pour Acton Hague. Et elle pense, quand il parle du 1, hein, il parle du même 1. En réalité, le problème, c'est que le 1 auquel a affaire Stransom est un 1 qui n'a pas du tout cette qualité-là. C'est un 1 qui est absolument identique à the others. Et alors, une des choses très amusantes, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne peut pas le voir en français, c'est qu'en anglais, dead est un nom non dénombrable. C'est-à-dire que dead, vous ne dites pas deads pour les morts, vous dites the dead. Vous mettez une majuscule, the dead. Et il n'y a pas de distinction entre le singulier grammatical, morphologique, et le pluriel. C'est quand vous voyez la forme du verbe que vous avez is ou are. The dead person is, mais the dead, les morts, c'est un ensemble comme ça de ce genre. Or, bien plus grave, les morts, c'est the others, c'est les autres. The dead and the others sont mis en équivalence à l'intérieur même de la pensée de Strandson. Vous verrez, c'est extrêmement sensible quand on lit le texte en anglais, en tout cas, au point que les seuls autres qu'il y a, l'autre même, ça n'est rien d'autre que les morts. Et que donc cette unification, ce rapport au monde des morts, comme étant le seul monde, fait de l'existence même de Strandson quelque chose qui est voué à être une imperfection par rapport à la vraie vie des morts. C'est le point, la trajectoire de Strandson, c'est comment il va rejoindre ce point d'imperfection temporaire qui est sa vie, comment il va le quitter pour glisser tout doucement dans la position des morts, jusqu'à être effectivement un de plus. Le cierge que Marianne Schlimm va devoir allumer pour faire son deuil à lui sur son propre autel. C'est ça le sous-entendu effrayant de la fin. Où justement, on sent bien comment, à une autre époque, quelqu'un qui est capable d'avoir des conduites de ce genre, on aurait bien pu penser qu'il est démoniaque. Vous voyez ? Ça n'a pas de rapport avec la mort. C'est quelque chose de... C'est une autre série. Vous voyez le tramage de la chose. Donc toute la tension se déplie comme ça, de l'acceptation progressive de la perte de l'aimé, qui est très jolie parce que comme évidemment la nièce et la canienne, c'est pas son aimé qu'elle a perdu, c'est son amant, c'est-à-dire celle qu'il aimait en position d'objet. Et puis de l'autre côté, l'impossibilité pour Strandson d'inclure ce mort-là, Ktonag, ou parmi, parce que c'est lui qui va devoir, c'est lui qui va aller sur l'autel des morts, et que donc tout est là pour éteindre la mémoire d'Ktonag. Et donc au moment exact où, halluciné, il revoit Marie-Antoine qui l'appelle, la nièce achève son deuil et Strandson meurt. Alors. J'aurais pu aussi parler, j'ai parlé de démoniaque, je crois qu'on peut aussi dire les choses d'une manière un petit peu différente, c'est la dimension perverse du suicide mélancolique. Je crois que ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais négliger. Il faut voir dans quel état ça met les gens quand ils viennent vous voir, parce qu'ils ont un mari mélancolique qui vient de se tuer. C'est qu'on a tout. Ils s'aperçoivent tout d'un coup qu'ils ont été là l'objet de quelque chose d'innommable. Et que, quel que soit, même chez des gens qui sont très aveuglés par la grandeur éthique ou la supériorité extraordinaire de la personne qui vient de mettre fin à ses jours, elles sentent confusément qu'elles ont été traitées d'une manière absolument abjecte par la personne qui vient de leur faire le coup de se tuer. Cette perversité-là, elle est très importante parce que aussi, je crois qu'elle, je dis ça en passant, hein, c'est juste une remarque, elle indique une des seules manières qui existent de maintenir les mélancoliques en vie, c'est d'en faire des masochistes auprès d'une vraie maîtresse. De vrai qu'on paye super cher, qui fouette dur, qui est absolument impitoyable, parce que effectivement là, certains montages masochistes, en tout cas dans notre culture, sont véritablement efficaces et nous suffisamment de pulsions de vie à ce silence impensable de la pulsion de mort pour que dans le masochisme le plus grave, le plus profond, le plus pervers, le pervers réussisse à se maintenir. Donc je signale ce point parce que c'est souvent un geste devant lequel l'analyste recule, n'est-ce pas, de consentir au fait que la grande perversion puisse être un moyen technique indiscutablement mis en œuvre par les grands mélancoliques pour vivre, et que, n'est-ce pas, ils ont l'impression d'être... comme les analystes n'aiment pas la perversion, évidemment, ils ont l'impression d'être complices de quelque chose comme ça. Cela dit, c'est une leçon de la mélancolie. Et que quand ils n'ont pas cette solution du masochisme, alors effectivement, ils peuvent produire sur les gens à qui ils font le coup de mourir comme ils meurent, des effets absolument dévastateurs. Je fais cette remarque parce qu'il y a toujours une petite idéalisation comme ça, du mélancolique, comme si le mélancolique, n'est-ce pas, c'était quelque chose de très joli. Ouais, c'est quelque chose de très joli pour ceux qui n'ont pas lui survivre. Ça, c'est un point très douloureux, souvent. Donc, je ne vais pas m'éterniser, je vais m'arrêter maintenant en vous disant un peu ce que je vais faire la prochaine fois à partir de ça. Pourquoi c'est indistinguable? Et pourquoi la question de la distinction n'a toujours pas disparu, pour revenir à mon point de départ et conclure sur mon point de départ, même dans le DSM, dans les études. C'est parce que les gens qui ont écrit le DSM, le DSM-3, ont fait très attention à leur choix de mots. Ce qui les intéresse, c'est bereavement, c'est-à-dire en anglais, l'état subjectif de la perte. En anglais, vous avez une distinction très forte entre bereavement et mourning. En allemand, il y a la même distinction. Nous, on parle souvent plutôt de deuil, hein, de manière un peu indistincte. Bereavement, c'est cet état où le sujet a subi une perte. Mourning, c'est la face sociale, c'est le rituel public de l'expérience privée du bereavement. Et que donc, la question de la perte de l'objet et de la qualité de l'objet, même dans le DSM-3, il y a plein, et c'était tout à fait admis, et on a des documents, on le sait, les gens qui ont construit la catégorie de dépression étaient parfaitement sensibles au fait que la qualité de l'objet perdu était décidée par le sujet qui la perd. Lorsque, par exemple, ils disent que c'est la perte d'un proche, évidemment, être proche, comme je fais tout souvent remarquer, c'est pas une qualité intrinsèque de l'objet. Un proche... c'est un proche par rapport à vous, d'une certaine manière. Si vous êtes... Et donc, comme c'est un proche par rapport à vous, la perte d'un proche implique... C'est un concept entièrement relationnel qui implique qu'on ait repéré où vous êtes par rapport à la personne. Et au fond, cette proximité-là, on ne peut pas décider qu'au-delà de la parenté au troisième degré, n'est-ce pas, si vous pleurez alors que les parents sont trop éloignés de vous, ce n'est pas vraiment du deuil normal, c'est du deuil pathologique. Si vous pleurez plus de 2 mois, c'est du deuil pathologique. Ils le savaient très bien. Ils ont toujours eu conscience, les gens qui ont écrit, d'après l'histoire qu'on connaît maintenant, grâce à Wakefield, qui a vu tous ces gens, qui les a interrogés, et Alan Horowitz, ils savaient très bien que c'était arbitraire. Et que d'une certaine manière, ils ont maintenu la notion de bereavement parce que ce qu'ils voulaient décrire, c'est un impossible logique. C'est décrire un état de l'esprit sans tenir compte de sa relation intentionnelle ou de ses caractères relationnels par rapport aux objets, au contexte, etc. Mais ils voulaient quand même dire que quand on est dans un état de bereavement, alors il y a tel état, tel et tel signe qui se manifeste de manière constante dans votre corps, dans votre état d'esprit, dans votre tour d'esprit, etc. Bon. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de montrer comment, dans un texte comme ça, qui est contemporain, au fond, de Deuil et mélancolie, et qui est encore plus contemporain du texte d'Abraham qui précède Deuil et mélancolie, texte de 1912, sur la manie et la mélancolie, parce que c'est le même monde, vous voyez. C'est vachement important de lire Deuil et mélancolie dans le monde d'avant la guerre de 14. C'est extrêmement important, parce que sinon, ce qu'on risque de faire, c'est de voir du deuil et mélancolie aujourd'hui, là, partout, ou alors de dire « c'est affreux, les gens font plus leur deuil », etc. Il y a toutes ces inepties sur « la mort n'existe plus », tout simplement parce que c'est pas la mort qui est dans Freud, qui a écrit en 14 ce machin, qui a maintenant un siècle, et alors on en viendrait presque à gémir sur le fait que les gens ne vivent pas la mort comme ils devraient la vivre, comme c'est écrit dans Freud en 1914. Enfin, donc c'est un point très important. Si on veut un jour accéder à ce que c'est que la pensée du deuil, de la perte, de la mélancolie, etc., du rapport à la mort, c'est en pensant les éléments les plus abstraits, les plus logiques, les plus, peut-être même les plus incroyablement loin de ce que nous avons l'impression de vivre, pour comprendre comment ils peuvent se transformer et s'accrocher à d'autres objets pour nous. Plutôt que de nous amuser à essayer de voir dans nos deuils autre chose que des ressemblances culturelles plus ou moins lointaines avec ce que décrit Freud. D'où la grande importance, je crois, de lire un texte comme celui de James, qui est un texte, c'est pas un texte en allemand, hein, on aurait pu prendre Die Nachtzauber d'Albert Stifter, par exemple, puisque c'est traduit en français, l'arrière-saison. Stifter, c'est le type qui a fini par s'égorger, là, comme ça, un mélancolique gratiné aussi. Mais un extraordinaire prosateur autrichien, la période Biedermeier, etc. C'était l'auteur que Nietzsche considérait comme le plus grand auteur de la langue allemande. Adalbert Stifter, de son vivant. Bon, j'ai pris plutôt James. Parce que là, vous voyez ce travail de l'intentionnalité, du rapport à l'objet, de la convention sociale, et comment c'est cousu. Et donc, on peut espérer décomposer en éléments suffisamment abstraits ce qui se joue pour réussir à le faire jouer et à essayer de voir s'il n'y a pas une plasticité qui nous permettrait d'être un peu moins obtus et aveugles devant ce qui se passe, devant nos propres processus de deuil. C'est au terme de cette chose-là que je vous pointais qu'à mon avis, une des formes contemporaines de la mélancolie, c'est le transsexualisme. Ce qui est un propos incompréhensible, si je le dis comme ça. Mais c'est aussi ce qui me permettra de rejoindre Lukács Reber plus tard. Et donc, par rapport à ce que j'ai écrit dans L'Esprit malade sur les théories contemporaines de la dépression, puisque j'ai tout un chapitre sur ça, où je fais l'éloge de l'analyse relationnelle et intentionnelle de la dépression contre sa naturalisation, ce que je voudrais essayer de faire la prochaine fois, c'est d'entrer tout doucement dans Abraham, puis dans Freud, et de voir comment Abraham et Freud, l'un avec l'autre, ont, d'une certaine manière, n'ont jamais réussi à se détacher de l'idée qu'il y avait une connexion essentielle entre le deuil et la mélancolie. Ce qui nous apprend quelque chose sur Freud et sur Abraham, ce qui nous apprend quelque chose sur leur époque. C'est-à-dire qu'être un clinicien, hein, à l'époque, il n'y a pas à tripoter, hein, le mélancolie et le deuil, il faut les mettre sur le même plan. Vous ouvrez ça, il n'y a aucun doute. Mais en même temps, il manque quelque chose qui est l'hétérogénéité des séries. Que seul pouvait mettre en évidence chez James l'histoire extraordinaire de ce malentendu entre la nièce qui fait son deuil et George Stranson. Et donc par là, ce que je vais faire, c'est aller plus loin que ce que j'avais lu devant Jérôme Wakefield, hein, sur la réhabilitation de la relation d'objet, de l'intentionnalité, puis de la relation d'objet, de Mélanie Klein, etc., du premier Lacan, en langage accessible à Wakefield et à ses amis. C'est aller tout doucement vers l'idée qu'on a besoin de penser la signifiance de la perte, et que la signifiance de la perte, de fil en aiguille, nous amène à une divergence ultime entre le deuil et la mélancolie. C'est-à-dire que le lien ne serait plus d'essence, mais le lien serait contingent entre deuil et mélancolie. Et à ce moment-là, de voir quelles perspectives s'ouvrent et comment on peut reprendre le texte fondateur d'Abraham sur la mélancolie, pourquoi il a utilisé Schreber pour penser la mélancolie. Enfin, c'est un truc extrêmement frappant. Et ça m'engagera sur la route de Schreber, dont on sait aujourd'hui qu'il est mort mélancolique. Mais vraiment mélancolique. Il est des morts avec un sentiment de damnation, un anéantissement. Ils ne communiquaient plus que sur des petits morceaux de papier qui ont été retrouvés et qui ont été photographiés et publiés, n'est-ce pas, par un Israël, n'est-ce pas, et à la fin, n'est-ce pas, l'ultime parole griffonnée de Schreiber, c'est quelque chose comme rien n'existe, on n'arrive pas, tout est rien ou tout est néant, un truc comme ça, qui est le dernier mot qu'il prononce avant de mourir mystérieusement d'une sorte de décomposition de son corps qui s'arrête de fonctionner. Merci. On peut prendre, si vous voulez, quelques minutes s'il y a des questions à poser. Je crains d'avoir été tellement programmatique que... bon, mais c'est pas grave. Oui. Dites qu'on ne sait qu'à la fin, mais dès le début, il lui annonce quelque part qu'à sa mort, elle veillera sur son hôtel à lui. Oui, mais au début, je me semble, enfin, je sais pas... Vous lisez ça, vous dites, ouais, c'est du baratin. Ouais. Quand on le lit, on se dit, oui, la baratine. On ne se rend pas compte que c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas eu cette impression ? C'est un fantasme. Non, vous avez tout de suite vu qu'en fait, c'était ça, on allait en venir à ça. Pas le moment, ça, le seul moment où ça survient, non, mais que c'était sérieux. Ouais. Oui. Moi, je dois dire que j'étais... Puisqu'elle est sérieuse aussi, elle peut répondre, mais qui en allumera un pour moi ? Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est voilà. Oui, tout à fait. Absolument. Mais il y a une différence importante, c'est que pour elle, l'ensemble des cierges ne représente qu'une seule personne, tandis que pour lui, chaque cierge en représente. Il faut soyeur de son identité, avec cette espèce de culte de la mort. Ça m'a fait penser à ça. C'est possible. J'aurais tendance à croiser dans les deux sens ce que vous dites. C'est-à-dire qu'elle voudrait donc que lui, il en ajoute un en plus qui serait Actonag. Tandis que pour lui, ce qui lui est insupportable, c'est que tous les cierges ne finissent par brûler que pour Actonag. Et donc, alors, je vous ferai ce tableau-là, parce qu'en fait, James, la figure du quatuor, dans la Coupe d'Or, etc., c'est dans les ailes de la colombe, etc., la figure du quatuor est une figure qui est toujours organisatrice. Deux hommes, deux femmes, avec souvent... un mort, il y a vraiment... Et que donc là, on a tout un ensemble de jeux de miroirs qui sont construits, qui tiennent jusqu'à un certain point, mais qui, à mon avis, relèvent encore de l'organisation du malentendu et de ce qui donne sa texture au malentendu. Et il me semble qu'il y a toujours... Alors, c'est pas le propre de... Comme toutes les histoires, il y a des fantômes, hein, c'est comme dans, évidemment, The Turn of the Screw, où il y a aussi un quatuor, comme ça, avec l'apparition du mort qui vient perturber les choses, il y a toujours un moment où ces symétries sont brisées et où en fait la texture du malentendu, folle ou pas folle, comme dans l'institutrice du tour des croûts, etc., apparaît juste là. Et donc peut-être, alors ça, je pense, c'est une manière que j'ai de voir les choses, je pense qu'en fait tout est écrit pour qu'on ne voit que ces symétries. Et que le lecteur est finalement, à la fin, blessé par la révélation du fait que ces symétries participaient au malentendu des personnages eux-mêmes les uns par rapport aux autres. Ce en quoi il se croyait malin, en se situant dans ce quatuor avec ses jeux de miroir, mais en réalité, il n'y a pas de jeu de miroir. Tout est une illusion. Et donc, à la fin, vous voyez... Alors, c'est exactement l'inverse, si vous voulez, d'un type de production esthétique très important, qui est la comédie. Vous savez, dans toute comédie, ça se termine par la présentification du phallus. Ça, c'est la norme de la comédie. À la fin, ils se marièrent, eurent de beaucoup d'enfants. C'est le bossu dans les pièces de Marivaux qui fait tâter sa bosse, etc. Ou c'est à la fin de la paix d'Aristophane, on amène carrément le phallus, etc. On est de guirlandes sur la scène, voilà. présentation du phallus. Dans l'anticomédie diabolique de James, c'est un marivaudage qui se termine par quelque chose d'effrayant. Où il y a un objet, où vous voyez l'objet petit a tomber, comme ça, tap, comme une sorte de nerf. Là où ça aurait pu, pour un rien, se terminer comme une pièce de Marivaux, où la cruauté a été extrêmement loin, hein. Enfin, quand même, à la fin, on baise. Ça, c'est quand même très important, hein. On trouve à s'arranger, le jeune homme hérite de son oncle qui meurt providentiellement, Harlequin trouve un sac d'or, etc. Bon, on s'arrange. Chez James, c'est au point même de l'économie, comme ça, où à la fin, on présente le phallus, qui présente le vide. Ça, et donc, tous les jeux de miroir de la comédie tombent sur ce point. C'est aussi, vous voyez, c'est ce qui nous permet, je pense, la topologie de Lacan, là, les machins avec quatre bons hommes qui se baladent de côté d'un schéma en Z et tout le monde trouve ça fascinant, n'est-ce pas ? C'est que si vous le dissociez de l'espace culturel qui est capable de produire ces quatuors extraordinaires, hein, ces échanges de personnes, ben évidemment, c'est du formalisme débile, c'est des trucs plaqués, c'est des modèles mathématiques sur des cas Freud, etc. Mais si vous pensez que c'est au contraire l'art même de faire surgir l'objet qui distribue en miroir des places, qui permute, etc., et qui est le texte même dans lequel notre culture se travaille, et distribue les places des gens. Du coup, ça perd totalement son caractère artificiel. Et on a bien raison de dire que ce n'est pas des modèles. Les modèles, les schémas topologiques de Lacan. Hein? Quand vous les pensez comme émergents de ça, quand vous les inscrivez dans le processus de la culture. Donc je travaillerai, hein, sur ces effets en miroir qui culminent à la fin, n'est-ce pas, où on voit bien que Marie-Anne Trim est à deux doigts de prendre la place, enfin, que la nièce est à deux doigts de jouer le rôle de la nouvelle épouse, tous ces trucs-là, où les deux figures vont... On a l'impression que ça va se résoudre, quoi, qu'on arrive au point où on sent bien qu'il va y avoir du phallique, hein, parce que c'est là où le mélancolique pique à mort le phallus. Et révèle le vide qui se détache. Mais c'est ça, parce qu'au début, James dit qu'elle est presque sans regard, cette femme est presque sans regard, et la dernière fois qu'il la voit, je crois que c'est écrit, il leva la tête et rencontra son regard. Au moment où il rencontre enfin son regard, Voilà, ça c'est un truc que je n'avais pas remarqué, il y a un jeu des regards qui est commencé dès le début, en fait, oui. Et qui n'est pas simplement un des cas du miroir, c'est que... Si vous regardez comment c'est composé, c'est vertigineux. C'est absolument vertigineux. Des premiers mots que je vous ai lus, il n'y a pas un adjectif, pas un nom qui soit introduit sans que tout d'un coup, vous voyez les résonances, les constructions, qui sont... et c'est pour ça, c'est génial. Il l'a mis en numéro 1 de son recueil de 1907, hein, de l'édition de New York, avant The Beast in the Jungle. Et, bon, on sait que c'est parce qu'il avait perdu cette femme, qui a peut-être la seule femme avec qui il a couché, d'ailleurs, qui s'en mettre à Alice Fenimore, c'était la nièce de Fenimore Cooper, j'ai oublié son nom, qui a écrit elle-même un roman de deuil extrêmement impressionnant, d'ailleurs, très joli roman de deuil, avec, auquel cette nouvelle fait écho, et s'est pris à un autre niveau dans des échos sur des textes de deuil et des textes de mort de la littérature de l'époque. Bon, on aura de toute façon l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup.